بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في الدرس الماضي أخذنا ماذا؟ حمزة الوصل. نعم حمزة الوصل. يوم ندي انقسم إلى كم كاتيجوري له؟ سمعي وقياس. Eh, enfin, non, j'étais dans le Hamza. Moi. Hamza, il est à la base de Qismen. Hamza al-Wasl ou Hamza al-Qata. Après, Hamza al-Wasl, vous voyez, ou à. Non. On le prononce en début de mot. Et en liaison, il saute. Enfin, il tombe. Dans la prononciation, pas dans l'écriture. Tu dis idrib, mathalan idrib. Et tu veux dire wadrib. Après, on a dit il est de deux catégories par rapport à kawaid al-amal bi. Comment on le connaît? Et le Samaï? Samaï, elle est ma'douda. Asha Asma wa harf wahid. Par Asma, ismoun. Ismoun rastoun wabnoun. Wabnatoun. Wabnoumoun. Imraoun. Wamraoun. Imraoun. Naam. Wa itnatan. Wa kadalika imanullah. نعم. إله حرف؟ ألف ولا ألف؟ ألف. طيب ثم نواصل في حمزة القطع. Celui qui a qui s'écrit avec رأس العين، ce qui ressemble à une tête de عين. قال يلتي تثبت في الابتداء والدرج نحو أكرم. في الأمر رباعي فإذا ابتدت إذا ابتدأت به نطقت الحمزة وإن بدي également إذا ابتدأت به نطقت الحمزة نعم وإذا تقدم كلام فإن الحمزة لا تسقط بل ينطق بها هكذا وأكرم دونك سي حمزة. Il se prononce et il s'écrit. Alors là, on parle d'un début de mot. Il se prononce même dans la lésion. Tu vas dire, Masalen, elle fait l'amr du fil Rubai à quatre lettres, à la wazn af'al, ça va être son amr à la wazn af'il. Quand tu vas dire akrama, akrim. Tu vas dire akrim. Et si jamais il y a un harf qui vient devant, tu vas dire wa akrim. Tu ne dis pas wa akrim comme Hamzat al-Wasl. Celui-là, tu le prononces. Il ne tombe pas, ni dans la prononciation, ni dans l'écriture. وَتُرْسَمْ أَلِفَنْ فَوْقَهَا حَمْزَتْ إِذَا كَانَتْ مَفْتُوحَةً أَوْ مَدْمُومَةً. C'est ça qu'on écrit. يعني حمزة قد رص العين s'il est مفتوح avec une fatha et s'il est مدموم avec une dhamma. Aussi du alif. S'il est maksoura en dessous du alif avec une kasra. Mais c'est la fatha أَحْمَدُ. Comme tu vois, Ahmadou, Ahadoun, Azrakoun, Azrakoun, Azrakoun, Sawab. Ah, c'est pas le scriptor d'il. Et c'est pas l'aun. Le l'aun, c'est Azrak, comme je l'ai lu au début. Sans med. Là, c'est Azrakoun. Donc là, le tanwin, Sawab. Asnada. Na Hamzat Muktub. Akrim. Fil am de Akrama Yukrimo. Ala Harf. Ça c'est exemple avec la fatha. Avec la dhamma. Oustazun. Oustaz. Les ulama ont dit que ce n'est pas un kalimat arabi. Mais c'est tout arribat. Oustaz, donc tu vois le Hamza au début, mazboum. Ouli, oukhiza, oukrima, oussalimu. Ça, c'est avec le Hamza mazboum. Al-Maksour, comme tu le vois écrit en dessous du alif, ikramun, is'afun, isbatun, ikhalu, ila, wa illa. La ila, c'est un exemple de harf, et illa kazalik. Donc tu vois tous, ils ont Ras al-Ain et après Fatha si c'est Maftour, Dhamma si c'est Madmoum et Kasra en dessous du Alif s'il est Maksour. Nawadi Hamzatul Qata. Où est-ce qu'on le trouve? C'est simple, si on a connu le premier, on connaît le deuxième. D'accord, Hamzatul Qata, Firé les Mawadi al-Maskoura, les Hamzatul Wasl. Tout ce qui est au dehors de Hamzatul Wasl, ce sera Hamzatul Qata, c'est bien Hamza. Ou une rata tafsil, fa wakil aati. Maintenant, il va donner, si tu veux, plus de temps facile. Awalend, le mardi du fiel soulassi. Trois lettres. Ce qu'on appelle un mahmouz. C'est un fiel qui commence par un hamza. Lui, son hamza, il est kata. Comme akhaza, asara, afala, akala, amara. Asima, Azina, Arika, Azifa, Asifa, Aba, Ata, Awa, Azza, Atta, Amma, Anna, Aba, Ala, Aza, Ana. Et après, il va citer pourquoi dans Aba, Wa, Ala, Wa, Aza, Wa, Ana, t'as un mawj, ce qu'on appelle une vague au-dessus. C'est un fasque et un med. Ils vont parler après, Inch'Allah. Mais il prend le jugement du Hamzat le 4. Il prend le même jugement. C'est pour ça qu'il a été mis ici. Donc, le mardi du Farsulati, qui commence par Hamza, il s'écrit qu'il y a Hamzat le 4. Masdar et Farsulati, son Masdar, c'est celui qui commence par Hamza. Bien évidemment, c'est un des Masadir, il ne commence pas par Hamza, forcément. Nahu, Akhzun, Asrun, Afulun, Aklun, Amrun, Ismun, Iznun, أرق أزف أسف إباء إتيان إواء أز أطيت أم أنين إياب أول أيض أين. Tout ça c'est des masadir des vers précédents qui commencent par Hamza, ils s'écrivent tous Hamza 4. Donc ça c'est le soulafi vers les trois lettres. Maadi al-Rubai. Il n'y a pas quatre lettres. Il a deux wazn. Ou af'ala ou fa'ala. D'accord ? Soit af'ala ou fa'ala. Af'ala, il commence tout le temps par Hamza. Et fa'ala, ça dépend. Comment ça va arriver ? Mathalen, abdala, at'aba, afbata, akhbara, ahsana, afsada, akbala, akmala, alhaba, am'ana, أخاف أطال أثاب أباد أتاح أذاق وأذاق بتونام أذاق أشاد أطاح أعاد أماط أهان أبدا أبلا أثنى أجرى أحصى أحفى أحيا أهدى. Tout ça c'est la wazn af'ala. Maintenant que le wazn fa'ala, il va donner certains qui commencent par un Hamza. Assasa, Adjaja, Adjala, Akhara, Arraqa, Awala. Taïeb. Atamma, Ahassa, أذل أعد ألح آت آثر آذى آمن آوى. Tous des fermes rubaï commencent par Hamza. Et ce Hamza, c'est quel Hamza? Hamza Tulkata. Après, on a les masdar du fermes rubaï, du verbe à quatre lettres. son masdar, il commence pour ce qui vient du wazn af'ala, ce qui vient le masdar vient à la wazn if'al. Donc là, le masdar du verbe à la wazn af'ala, il vient à la wazn if'al. Mesalan ibdal, c'est le masdar de abdala. It'ab, c'est le masdar de at'aba. Isbat, ijbar, ihsan, ifsad, iqbal, ikmal, ilhab, im'an, ikhafa, itala, ithaba, ibadah, itaha, idhaqah, ishadah, itaha, i'adah, imatah, ihana, ibda'un, ibla'un, ithna'un, ijra'un, ihsa'un, ihfa'un, ihya'un, ihda'un, itmamun, ihsasun, izlalun, i'dadun, ilhahun, ityanun, itharun, idha'un, imanun, iwa'un. Là, on les cite comme ça. En vrai, si on a compris le Hamdat al-Wasl, Hamdat al-Qatr, il n'y a pas de problème. طيب ثم قال امر الفعل الرباعي لابيراتيف دي فيرب 4 لتر نحو ابدل دي فيرب ابدلا دون لو مصدر سي ابدل سو امر سي ابدل اي كومونس ايغالون بار حمزه القطر اتعب اثبت اجبر احسن افسد اقبل اكمل الهب امعين اخف اطل اثب ابد أتيح أذق أشد أطيح أعيد أميط أهين أبيد أبلي أبلي. C'est quoi à la base أبلي؟ C'est quoi son verbe؟ أبلا. Hein؟ أبلا يبلي. أبلا يبلي. Donc il est مبني على là tu vois أبلي الكسرة على حرف حرف علة. نعم. أثني كذلك. أجري كذلك أحصي كذلك أحفي أحي أهدي أثث أجج أجل أخر أرق أرق أول أتم أحس أذل أعد ألح آتي آثر آذي آمن آوي. Et le tafasis dans les kutubs de sarf, pour savoir vraiment bidopt, comprendre les aouzan. Là, on prend la wajil ijmal. Qala jami' al-asma. Donc maintenant, on a fini avec l'af'al. Donc on a dit quoi? Le fi'l ruba'i. Son mardi, il est mahmouz, commence par hamza. Le thulathi, c'est des mahmouz, commence par hamza. Le ruba'i, à la wazn af'al. Et parfois, à la wazn fa'al. D'accord? Son mardi, il commence par Hamdat al-Qatr. Son masdar kazalik. Et son amr kazalik. Maintenant, il dit... Ah, j'ai oublié un paragraphe à fin. Qala jami' al-af'al al-mudari'a al-mabdu'a bi Hamdat al-mudari'a lil-mutakallim. Tous les verbes au présent qui commencent par Hamza. Quand tu parles de Ana. طيب المتكلم افعل اجلس اكل مثلا توس حمزه القطع نحو اكتب اقرا اذهب اكرم ارسل ابدي اختار انصاع ارتاح استحسن استغفر استعمل. Tous les verbes utilisés dans ضمير انا في المتكلم يكمنس بار le mufrad, bien sûr, pas le nahnu. Le mufrad de Ana commence par le hamza. Et quel hamza? Al-Qatr. Naam. Thumma yakul jami' al-asma 'ad al-asma al-'ashara al-mutaqaddimati fi hamzat al-wasl wa masdar khumasi as-sudasi. Hada mafhum. Tous les noms en dehors de ce qu'on a pris dans hamzat al-wasl, tous ils commencent quand c'est hamza en début de lettre, en début de mot, c'est hamzat al-Qatr. Yaqul fa yadkhul fi hadha adh-dhamair مثل أنا مثل أنت مثل أنت وأسماء الاستفهام والشرط والظروف والمصادر نحو أب Abawan sont Musanna. Abaun sont Jam. Ahmed, Ibrahim, Usama, Afdal, Ashraf, Ahsan. Damaïr, Anna, Anta, Damaïr al-Nasb, Ya, Ya, Tayeb, Ism al-Stifham, Aina, Ism al-Shart, Anna, Ayun, Iza, Iz, Sanibam al-Zuruf, Ulaika, Ism al-Shara, Al-Ula, Wal-Zalika. Tous, s'il commence par Hamza, c'est Hamza Kot, qui se prononce, qui s'écrit. قال جميع الحروف عدا ال التعريف courant dans المسجد البيت كذا à part ال عند اتصاله بالكلمة طيب tous les حروف commencent par حمزة à part ال c'est حمزة القطع نحو حمزة الاستفهام حمزة النداء أم أو أن إن ألا إلى أما إلا إذ ما غير ذلك. Tous, ils commencent, s'ils commencent par Hamza, c'est Hamza Tulkata. Allez, on prend le Med fi awal kalima, parce qu'il a un lien par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Le Med, c'est un des حروف العلة طيب ساكن يعني مسبوق بحركة من جنسي طيب مثلا le mad c'est quoi, c'est un ya qui est précédé par une kasra, comme tu dis fi mad alif, c'est un alif précédé d'un harf qui est une fatha. Mad waw, c'est un waw qui est précédé d'un harf qui est une dhamma. Donc là maintenant, le med avec le hamza, il va t'expliquer, pour le qu'on a vu au début. Dans quel verbe qu'il a cité c'est ata, athara, aza, amana, awa. Tout cela. Même au-dessus, il avait dit quoi? Aba, ala, aza, ana. Qal, ta'ammal hadhihi al-kalimat, adam, azar, آسيا آمل آثر آوى فإن علامات المد كتوالكم كنا بسال الموج كم نغاقي تعني أننا حذفنا الألف اللينة بعد الحمزة وأصلها بعد وضع الشكل هكذا على باس تا حمزة القطع سواء ألف مفتوح et après تا ألف. Qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé l'alif, le deuxième. Et le Hamza al-Qat, on l'a écrit, on a changé sa forme, on l'a écrit sous forme de Maouj. Donc là, on sait qu'on veut dire qu'on a un Med. Parce qu'à la base, c'est quoi le Med là? C'est un Alif, donc il est un Adi. Et devant lui, on a un Harf qui est Maftour. C'est quoi? C'est le Hamza. Mais dans l'écriture, on l'écrira comme ça. Un Alif avec un Maouj au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on a un Hamza et un Alif derrière lui. Quand on a l'ikarahat ishtima' al-alifayn katabouha akada. A-a. Dans le Coran, tu trouves comme ça. Un Hamza, Maftou, et après un Alif. Ça, c'est dans, comme il veut le dire, Houa, Rosm, El Mushaf. Dans le Mushaf, c'est comme ça que tu vas trouver. Wa ba'd dhalika istuliha ala kitabatiha alifan wahida alayha madda. Hakaza, comme tu le vois là, le Alif avec le Mouj au-dessus. Wa ka'annahu li sur'ati al-kitaba, wallahu a'lam. Pour faciliter l'écriture, c'est plus rapide. Qal al-tanbih. المد في أول كلمة يندرج تحت حمزة القطع كما قلت تعالى. Quand tu vois ce Hamza au début, il prend les règles et les liés au bab du Hamza القطع et pas le wasl. C'est-à-dire تنطقه وعند الوصل عند الوقف. Tu veux dire مثلا وآمن فلان. Tu peux pas dire ومن فلان. Tu veux dire وآمن فلان. Tu vas dire Ja'a Ibrahimu wa Adam. Tu ne vas pas dire Wadama. Tu vas dire Wa Adam. Donc cette écriture-là avec le Mouj, c'est Khos pour le Hamzat al-Maftour qui a derrière lui un Alif. C'est pour ça que c'est un Med. اما si c'est un hamza madmoum ou maksour, c'est autre chose. Laissez-moi dans le bab. مفهوم هذا؟ طيب. ونكتب بهذا اليوم. سبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.